Le tsar, dans son vaste empire, avait beaucoup d'autres sujets qui n'étaient pas chrétiens. Des Tartares, qui habitent le bord occidental de la mer Caspienne, et des Paluzes mélotides, sont mahométans. Les Sibériens, les Ostiaques, les Samoyèdes, qui sont vers la mer glaciale, étaient des sauvages, dont les uns étaient idolâtres, les autres n'avaient pas même la connaissance d'un dieu. Et cependant, les Suédois, envoyés prisonniers parmi eux, ont plus été contents de leurs mœurs que de celles des anciens moscovites.